Alors, c'est l'anniversaire du père de Toto. On y va là? Oui, quand À tu veux, on l'anniversaire, t'attend, oui. hein. Allez. Alors, ce qui me ferait plaisir, c'est que tu travailles mieux à l'école. Trop tard, répond Toto à son père. Je t'ai déjà acheté une cravate. Bien. Voilà. Alors, on va se barrer. C'est tout. Alors, oh là là. Moi, je pense honnêtement. Non, mais vous allez dire ce que vous en pensez. Une fois oui. par je mois. Me demande quand même, oui. après avoir fait quand même l'apologie tout à l'heure d'une radio concurrente et néanmoins amie. Si on va pas l'envoyer, Maurice. Non, si c'est pas en fait un. S'il si n'est ah oui, pas un sous-marin. Un sous-marin. Un sous-marin de EFM. Pour, oui. Voilà, pour nous plomber ah, ça, les blagues. Ça peut pas être un sous-marin parce que ça fait longtemps que le périscope n'est pas monté. Si on peut applaudir. Applaudissez.